Hey there, you are listening to a feed from cchits.net, and this is the Daily Exposure Show for 16th February 2019. Today you can hear a track by Mocha called Massa. Musa, Musa, Uwe, Musa. Musa, Musa, Uwe, Musa. Musa, Musa, Uwe, Musa. Musa Musa Uwe Musa Musa Musa Uwe Musa Musa Musa Uwe Musa Musa Musa Uwe Musa Qui était pas à gauche Qui était pas à droite Qui est pas dans ton dos Je l'aurais trouvé Qui était pas à gauche Qui était pas à droite Qui est pas dans ton dos Je l'aurais trouvé Ah bon Je l'aurais trouvé Tu dis quoi Sinon je l'aurais trouvé C'est ça Je l'aurais trouvé Va là-bas Je l'ai tellement cherché, cherché que je suis maintenant trop fatigué A ton tour, à ton tour, à ton tour, me reposer c'est sa vie Fatigué de chercher, tant pis, ça va aller Pas tant d'en profiter, tant pis, ça va aller Je peux pas le retenir, il arrête pas de cavaler A coller la petite pour lui, ça va parler Moussa Moussa, où est Moussa hey. Moussa Moussa, où est Moussa hey. Moussa Moussa, où est Moussa hey. Personne ne sait où est Moussa Moussa Moussa, où est Moussa hey. Moussa Moussa, où est Moussa hey. Moussa Moussa, où est Moussa hey. That was Massa by Mocha. It was a Creative Commons by attribution, no derivatives licensed track. Every track we play is selected by a listener like you. To find out more, please visit cchits.net/FAQ. If you liked today's track, you can vote for it at cchits.net/daily/2019-0216. These votes decide whether this track will be on the weekly show and eventually if it will make it into the chart. Both of these can be found by visiting cchits.net. The theme is an excerpt from GMZ by Scott Altim. For details, please visit cchits.net/theme.